sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Bonjour et bienvenue à l'émission La Dernière Porte à Gauche en compagnie de Kiwan pour une heure de musique francophone comme à chaque semaine. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir un petit flashback, un retour en arrière. Je suis allé chercher quelques artistes qui datent de fin des années 90, début 2000, sans aucune raison comme ça. Ça a donné comme ça. J'étais un peu nostalgique cette semaine, puis je me suis rappelé de certains groupes que ça faisait longtemps que j'avais pas entendu. Il va y avoir, entre autres, là-dedans, Les Truands, Galaxy 500, vraiment à l'époque où ils portaient le 500, puisque maintenant, c'est seulement Galaxy. Je sais même pas si ça existe encore, d'ailleurs. Je vous en reparle tantôt. Il va aussi avoir du Simon Jodoin. Il va avoir du Gwen Wedd aussi, mais on va commencer avec quelque chose d'un peu plus récent. Un extrait du dernier album de Polype, la pièce Lumière t'exagère, à la dernière porte à gauche sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. viennent d'ici, restent pour un temps et puis repartent à la maison. Je suis beau, que ma jaquette bleue fait ressortir mes yeux dans le bon sens du mot. Parle-moi du mauvais temps, refais-moi penser à rien. Si je ressors en pleurant du bureau du médecin. La peau se porte sur les eaux, sur toutes les photos. Dis-moi que ça ne sera pas long, que tu tiendras ma main jusqu'à ce qu'à la fin je parte pour de bon. Fais-moi penser à rien. Si je ressors en pleurant du bureau du médecin. Les trois accords avec cette pièce que j'aime beaucoup. Si vous écoutez quelques fois l'émission ici, là, si vous l'avez écouté dans les dernières semaines, vous savez que j'aime beaucoup cette pièce des trois accords. Les trois accords qui étaient ici à Trois-Rivières en spectacle gratuit vendredi dernier, le 29 janvier. Vraiment un très, très bon spectacle malgré le froid qui était vraiment intense ce vendredi dernier. Faisait avec le vent, il y avait un bon petit vent, puis il faisait là moins que de moins 20, là, en bas de moins 20. Il faisait plus froid que moins 20. C'était vraiment pas évident, mais quand même, il y avait pas mal de monde, je trouve. C'est sûr que il aurait pu en avoir plus, c'est certain, mais si on compare avec les autres journées, avec les autres événements, comme le lendemain, il y avait Radio et Creature. Donc, il y avait quand même pas mal de monde pour voir les trois accords qui ont fait un très bon spectacle. Et puis, je m'en rendais un peu moins compte parce que je n'ai pas suivi les trois accords de très très près dans leur carrière depuis leur début. Puis je savais quand même qu'il y a eu des très grands succès radio avec entre autres les Hawaiian et les autres titres comme ça qu'on a entendu, c'est sûr, parce qu'ils ont tellement joué. Ils ont quand même été pas surexploités, mais quand même ils ont roulé beaucoup, beaucoup, je dirais, sur la plupart des radios ici au Québec. Et c'est vraiment en les voyant en spectacle qu'on se rend compte à quel point les trois accords ont beaucoup de succès et ont un public quand même assez fidèle. Ils enchaînaient les pièces connues. Puis moi, même si j'ai acheté aucun des albums, j'ai seulement écouté les quelques pièces comme ça ici qui ont joué assez fou. Mais pourtant, ils ont joué comme une heure, un peu plus qu'une heure, 1h15, 1h20, puis toutes les pièces, je les connaissais, même si je suis pas un très grand connaisseur des trois accords. C'est là qu'on reconnaît un groupe quand même qui commence à avoir une certaine expérience. Et puis c'est un peu naïf de ma part, mais en fait, je me doutais pas, je me rendais pas tout à fait compte que les trois accords étaient rendus à ce stade-là, d'avoir un public vraiment, public large, qui les connaît et qui connaît vraiment leurs pièces. Donc, c'est quand même un très bon spectacle pour un spectacle comme ça, gratuit dans un festival, un spectacle en plein air, familial. C'était parfait, celui des trois accords, vendredi dernier. Maintenant, je vous parle un petit peu des Francouvertes, les groupes qui vont faire partie de la ronde préliminaire. En fait, les groupes ont déjà été annoncés, mais maintenant, on sait même la programmation complète. Donc, c'est trois groupes par soir, tous les lundis, à partir de lundi prochain. La première va avoir lieu lundi prochain, avec, entre autres, avec, en fait, Jésus des filles, Turbo Distorsion et Méta Gruau. Donc, c'est quand même bien. On aura regroupé les groupes par style un peu. On mélangera pas des groupes de styles complètement différents les mêmes soirs. Donc, Jésus, les filles, Turbo Distorsion et Méta Gruau font dans, c'est pas mal les trois groupes qui sont les plus rock, les plus trash. C'est pas tout à fait rock, le Méta Gruau. On est plus dans l'électro-rock. Jésus, les filles, c'est plus garage. Donc, il y a quand même certaines différences. Mais bon, on a regroupé ce qui vargeait, entre guillemets, le plus ensemble. Et puis, les autres soirées, ben, vraiment, on a regroupé comme ça. Là, les styles un peu, donc ça va être plus juste pour chacun des groupes de se faire comparer avec d'autres groupes qui ont un peu le même style qu'eux. Donc dans le prochain bloc, on va entendre un artiste qui va être lui un petit peu plus tard, au mois de mars, Bernard Adamus, qui moi est ma sélection. Si je peux choisir seulement un artiste pour prédire sa victoire aux Francouvertes, je dirais Bernard Adamus, mais en même temps, je me trompe toujours. En fait, je suis vraiment mauvais pour faire des prédictions aux Francouvertes. Donc on va entendre du Bernard Adamus, on va aussi entendre du Jésus les filles, mais on commence tout de suite avec un de ces groupes qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, dont je vous parlais dans le début de l'émission. En introduction, je vous disais que j'étais allé chercher des trucs dans la fin des années 90, début 2000. Cet album-là date de 2001. C'est le premier album de Gwen Wedd. Et on va écouter, je crois, l'extrait qui avait joué ici assez fou à cette époque-là. Ça fait longtemps. On va écouter la pièce Stock de Gwen Wedd à la dernière porte à gauche. Je veux commencer par finir, m'endormir ou par mourir, ou par trouver l'attitude qui pourrait casser mes habitudes. Je suis resté stock dans le rack, punk western post-garnot, un CD graffinier. J'suis tellement rouillé, j'suis pas capable de bouger. There's a song in my head qui tourne et qui m'obsède, comme une interminable intermède, comme les riches et les célèbres, comme les laides et les faibles, comme ce qu'on cède ou ce qu'on concède, comme tout ce qui tourne et qui obsède. Pseudo-pop, metal, post-baroque, un CD graffinier. J'suis tellement rouillé, j'suis pas capable de bouger. There's a song in my head qui tourne et qui m'obsède, comme la gloire et ceux qui y accèdent, comme les minables et les quadrupèdes, comme les impulsifs et les tièdes, comme tout ce qui décède et qui succède, comme tout ce qui tourne et qui obsède, tout ce qui tourne et qui m'obsède. Thank you.

Jésus les filles avec la pièce Je t'adore, donc le groupe Jésus les filles qui vont faire partie de la première ronde, la première soirée en fait de la ronde préliminaire des Francouvertes. C'est lundi prochain, le 8 février, ça se passe à Montréal du côté du Lion d'Or. Juste avant ça, on a entendu Bernard Adamus qui lui va passer un petit peu plus tard aux Francouvertes dans le mois de mars. Et c'est mon choix pour les Francouvertes, comme je le disais avant la pièce, mais quand même, Bernard Adamus n'a pas vraiment besoin de... Ben, c'est sûr que c'est toujours plaisant de gagner des concours, surtout un concours aussi prestigieux que les Francouvertes pour la musique francophone ici au Québec, mais Bernard Adamus est quand même bien parti avec son album Brun qui a été récemment réédité et signé sous une compagnie de disques parce que l'album était indépendant au départ. Il y a vraiment beaucoup de spectacles annoncés pour Bernard Adamus. Il n'y en a pas à Trois-Rivières, mais quand même pas trop loin d'ici, à Drummondville, à la salle le Box Office à Drummondville, qui est vraiment une grande salle là, qui peut contenir environ au maximum, je pense, 500 personnes. C'est vraiment une vraie salle de spectacle. C'est un genre de théâtre. Donc, quand même une grande pièce pour Bernard Adamus. Il n'y a aucun autre artiste qui est mentionné avec lui. Donc, on peut présumer que c'est vraiment la tête d'affiche de cette soirée-là. Donc, si on est quand même rendu à faire une tournée du Québec et même une tournée de grandes salles au Québec, c'est donc que ça va pas si mal pour Bernard. Juste avant, on avait entendu Gwen Mudd avec un extrait de leur premier album qui date de 2001, la pièce Stock. Vous avez probablement reconnu la voix de Philippe B, parce que Gwen Mudd est l'ancien groupe de Philippe B. On va faire une petite pause tout de suite, mais restez là parce qu'il reste encore une demi-heure de musique francophone. Je suis né dans un quartier dans l'Est, au bord des pétroliers. Des raffinés, il n'y en avait pas beaucoup. J'allais avec mon père m'acheter des souliers chez Pitt, car il m'avait bien dit que là où tu habites, les souliers trop chers, c'est pas une bonne affaire. Tu te les feras piquer aux galeries d'Anjou avec un couteau planté dans le joue. Tu me comprends? Fait que j'ai fait mon temps. À la récréation, je faisais rire de moi, mais je ne revenais jamais nu-pied de l'arcade. J'ai durci ma façade, sachant que j'étais pas à ma place avec ma paire de godasses. Sur la terre d'ailleurs. J'ai pas vieilli vite, mais j'ai vieilli quand même. Toujours prête pour m'insérer dans des problèmes que j'avais même créés. Faire chier tout le monde, c'est réellement devenu ma tasse de thé. Avec mon casier, je m'étais fait un local. Je vendais des fleurs du mal à 15$ le pétale. Mes chums dans mon quartier se sont mis à porter des tucs et des jambières en plein été, même à engraisser. Ils me faisaient des yo pis des motherfuckers avec des côtes qui ont des lignes blanches sur les côtés. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai vite senti que j'étais pas à ma place avec ma chemise de chasse. Sur ma terre ferme, ferme ta gueule. Je me suis pas fait chier à la première occasion de me payer un avion. Je me suis acheté un billet avec ce qui me restait de scène. J'ai même vendu ma guitare sans que ça me fasse de la peine. Tu sais, quand tu prends ton kick à te dépayser, même un bout en Afrique avec ce qui me restait de fric, je me suis acheté une bite de hache en dynamite pour montrer à mes chums. Mais quand je suis revenu, ils étaient dans la rue. Ils maigrissaient tout nu à chauffer des cuillères remplies de stuff qui faisaient des bubules au prix que l'on t'encule. C'est fourrant, je le sais, mais j'étais pas à ma place avec ma bite de hache. La pièce Asphalte de Navet Confit, mais remixée par Demi Lucide, qu'on vient d'entendre. Et juste avant ça, c'était Simon Jodoin. And the Fucking Groovin' Virtual Dumb Band, c'est vraiment le nom du groupe de Simon Jodoin. Simon Jodoin qui a été un des premiers, peut-être pas de façon absolue, mais en tout cas, qui a été un des premiers que moi j'ai entendu parler de la libre circulation de la musique et qui a été un peu le premier à prendre une position qui est de plus en plus répandue aujourd'hui, qui est un peu, sans dire pro-piratage, mais disons qui est... la position qui ne condamne pas automatiquement le piratage de la musique, lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que c'est une richesse, finalement, de pouvoir s'échanger la musique librement, de se faire découvrir des groupes, et ensuite, ça crée de l'engouement, ça amène un public dans les spectacles de ces groupes-là. Lui disait ça, là, déjà presque 10 ans. Et cet album-là, qui a été fait au début des années 2000, aux alentours de 2000, entre 2002 et 2004, au début, il était disponible entièrement, gratuitement sur Internet. L'album s'appelle Folk Off. Par la suite, étant donné qu'il y avait vraiment beaucoup de demandes, les gens lui demandaient vraiment de faire un album en version... CD en version plastique. Faut dire qu'à cette époque-là, c'était quand même pas si répandu non plus. Là, si on s'en va au début des années 2000, c'était pas si répandu de sortir un album seulement sur Internet. Aujourd'hui, c'est quand même une chose qui est assez répandue. Sans dire que c'est répandu, il y a plusieurs artistes qui le font et on trouve pas ça nécessairement bizarre, mais à cette époque-là, quand même, c'était pas si courant. Donc Simon Jodoin, qui est presque un visionnaire de la musique, qui c'est vraiment très bon ce qu'il fait. On avait entendu la pièce « Sur la terre ferme » de Simon Jodoin, que vous pouvez aussi lire sur le blog du Bang Bang. On continue en musique tout de suite avec Vidéoville. On va écouter la pièce « 18 hommes de bronze ». Vous êtes toujours à l'émission « La dernière porte à gauche » sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. On vient d'entendre le groupe Les Truands avec la pièce Dear Bye. Juste avant, vous avez peut-être remarqué qu'on a presque entendu une pièce du premier album de Galaxy 500, vraiment l'album à l'époque où il s'appelait Galaxy 500. J'aurais aimé vous faire entendre la pièce même qui s'appelle Galaxy 500 parce que c'est vraiment une très, très, très bonne pièce. C'est une pièce uniquement instrumentale. Et où, avec seulement des guitares, on fait vraiment des sons, on remplit complètement l'espace de son. C'est vraiment très chargé, en même temps, c'est vraiment très efficace. Et quand j'écoute du Vidéoville, le groupe qu'on avait entendu au début du bloc, des fois, ça me fait penser un peu à ce style qui est utilisé par Galaxy 500. Donc, c'est pour ça que je voulais faire le lien un peu et vous faire passer cette excellente pièce de Galaxy 500, à mon avis, la meilleure du groupe. Mais bon, puisque le disque refuse de collaborer, on va plutôt aller écouter une pièce de leur deuxième album. L'album s'appelle G500 et maintenant le groupe, lui, s'appelle seulement Galaxy parce que bon, il y avait quelques petits conflits avec un groupe anglais qui s'appelle Galaxy 500. Et donc, il a fallu que le groupe québécois change de nom. Donc, ça s'appelle maintenant seulement Galaxy. On va écouter la pièce Loop du groupe Galaxy tout de suite à la dernière porte à gauche. We'll be right back. C'était Galaxy avec la pièce Loop et c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. Il va rester le temps pour une pièce et on va continuer un peu dans ce style qu'on a déjà... l'émission a pris une tournure un peu rock garage. Donc, on va continuer un peu dans ce style-là avec Patrick et les Brutes, avec la pièce qui est sur le palmarès francophone cette semaine. C'est la pièce « Toutes les filles sont folles de moi ». Si vous écoutez l'émission les mercredis, c'est Émilie Adam qui s'en vient avec l'émission en attendant. Et sinon, pour les auditeurs du jeudi, c'est le Dîner de con qui s'en vient avec Danny Janvier et André. Donc, je vous laisse avec... Patrick et les Brutes, je vous souhaite une bonne semaine sur les ondes de C'est fou. Bye bye. Trouvée folle, elle a toujours resté un peu molle. La sœur